Mugen, je manie les rimes comme un sabreur manie les scrims. Je commets des crimes au micro, j'écris plus que les scribes. Indescriptible mon style, au parfum dormé, au style, aux imprudents qui osent dire que ma musique est inaudible. Mes dires sont aussi précieux que la plume de mon stylo. Lorsque se distille dans un sillon, puis incorpore le silence. Via ma voix, ma philosophie, se rédiger mon filon. C'est le partage de mes rêves, mes sentiments que disent-ils. On peut les entendre dans mes disques et leur agencement est ludique. Très esthétique, embellir mes beats et ma lubie. J'illumine un rap sombre, je connais de mes sens. Si tu me fais fondre, je te le renvoie, je touche les parties sensibles. Je ne dois rien à personne, je balance des mots sensibles. Précise, je rime sans but, je tranche le vif sensible. Je suis précis et petit, je précise que j'en chie. Pour t'offrir une qualité sans précédent, non. Si, Mugen, je suis là pour la quatrième fois. Samouraï, six coups de sabre, l'arme fatale. Des disques incontournables, pourtant personne ne se fie à moi. Moi j'avais foi en mon talent, voilà, je suis toujours là. Donc j'emmerde les hypocrites et tous les gens sournois. Je rappe, je frappe, j'étripe, je suis là. Un grand pas dans la musique, un énorme pour moi. Yeah. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Envie de percer des flagrantes comme du narbal. T'auras pas besoin d'une jolie mort, je vais dorer ma balle. Je fais pas de cinéma, même si d'or est ma balle. Je viens détruire la planète comme Vegeta et Nappa. T'as de la musique hors d'œuvre et du rap en nappage. À la page depuis toujours, j'ai la hargne et la rage. Mon art est un chef d'œuvre, des défauts y'en a pas. Je traverse la mer à la nage pour développer mon courage. Y'a des cadavres de MC noyés dans mon sillage. Respecte ceux qui aiment, car une flopée m'encourage. Pas juste mon entourage, j'ai droit à plus de louanges. Sur les pages de mon ouvrage, tu verras le diable et les anges. C'est pas juste un passe-temps, petit rapper me soulage. M'apaiser me défoule et m'insulter c'est un outrage. Je suis le rappeur souverain, je délivre mon message. Je n'écoute pas la voix du sage, mais du barge marginal. T'as envie de tout péter, de devenir un héros. Lève-toi et vole, car le monde t'appartient. Si t'as tout perdu, petit repart à zéro. Ne ferme pas les yeux sur tes rêves, ils sont à ta portée. Moi j'ne pleure pas sur mon sort, on m'appelle pas Calimero. Tellement différent des autres, on me surnomme le martien. Je suis accro aux mots, fuck les numéros. La rime est un art poétique et martial. N'attends pas le refrain, y'en a pas. Ça c'est mon comeback et je fais toujours moins d'un pas. Un troisième pas dans la musique, cette fois je ne blague pas. Celui-ci est un pas géant, j'écrase tout sur son passage. Tu peux partir de ma gueule, tu ne la verras pas. Je suis meilleur que ceux que t'écoutes, mais tu l'avoueras pas. Je remporterai la victoire, mec, tu ne la voleras pas. Je vais te massacrer, j'espère que tu m'en voudras pas. Mugen, 8ème coup. Le son à samouraï. 6 coups de sabre 2.